Le temps du don, en partenariat avec l'Union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue sur Fadjet, vous écoutez Le temps du don. Au programme de cette deuxième émission, Dominique vous partagera les dernières actualités sur le don de sang. Nous recevrons Claude Guillemot, qui est le président de l'Union départementale fédérée pour le don de sang bénévole de Meurthe-et-Moselle. Et nous vous communiquerons l'agenda du don du mois d'octobre. Le temps du don, le temps de l'actu. Tout de suite, le temps de l'actu présenté par Dominique. Salut Christophe. Salut Dominique. Alors, qu'est-ce qui fait l'actu ces derniers temps ? Alors Christophe, je voulais tout de même revenir un petit peu sur l'information de la dernière fois. Alors maintenant, les personnes tatouées ou qui ont des piercings n'ont plus besoin d'attendre que 2 mois pour revenir donner leur sang. Ça, c'était le premier point de l'actu. Mais je voulais aussi revenir sur une autre actualité dont nous avions parlé la dernière fois. Mm-hmm. Nous avions échangé avec Gennaro Brasigliano sur son implication sur le don du sang. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à réécouter l'émission du mois de septembre pour retrouver son interview. Et comme souvent, il y a des collectes mobiles toujours atypiques. Et la dernière en date, ça s'est déroulé dans le stade de Nancy. Bah oui, c'était au stade Marcel Picot. C'est ça, Christophe. Le 17 septembre, durant l'après-midi, il y avait foule dans le stade, mais pas pour un match, mais pour donner leur sang dans les salons du stade. Je me suis rendu, et tu ne le croiras pas, mais pour moi, c'était la première fois que je rentrais dans les salons du stade Marcel Picot. C'est vrai ? Ouais, ouais. Et donc, j'ai pu voir la même organisation que sur les collectes mobiles traditionnelles, avec un accueil toujours chaleureux, le fameux questionnaire pour savoir si on est apte à donner son sang, la rencontre avec un médecin, et puis le moment du don avec des infirmières et des infirmiers aux petits soins pour piquer. Et au moment du post-don, les donneurs ainsi que les jeunes qui les accompagnaient ont pu avoir des dédicaces et des selfies de la part des joueurs de la SNL. Ils se sont relayés toute l'après-midi, ils ont pu rencontrer Oumar Sidibé, Yanis Naounou, Nicolas Saint-Ruf ou Martin Surzac qui lui-même a pu donner son sang. Et notre invité du mois est resté une grande partie de la journée, c'était donc Gennaro. Donc en résumé, un bon moment que les donneurs et les supporters ont apprécié. Il faut dire que ça faisait un long moment que les supporters de la SNL n'avaient pas revenu le stade ou les joueurs. Effectivement, c'était une très belle collecte hein, pour cette première à Picot. Ouais, comme quoi l'esprit sportif et le don de sang se conjuguent bien. Exactement. Le temps du don, le temps de l'édito. Allez, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelques grandes étapes de l'histoire de la transfusion sanguine. En fait, les premières tentatives de transfusion remontent au XVIIe siècle. C'est William Harvey qui découvre la circulation sanguine en 1616. C'est pas Marignan, hein. En 1667, Jean-Baptiste Denis effectue la première transfusion de sang. Il injecte environ 300 ml de sang d'agneau dans les veines d'un jeune homme de 15 ans, affaibli par des saignées successives. C'est la première transfusion de sang chez les hommes. Les 3 premières transfusions ne portent pas à conséquence, mais la 4e, sur un homme trentenaire, se solde malheureusement par le premier accident hémolytique transfusionnel de l'histoire. Alors là, il s'ensuit un procès parce que la femme du défunt soupçonnait le médecin Jean-Baptiste Denis d'être un charlatan. Bon, je résume, les juges ont innocenté le médecin, mais dans leur décision, ils ont glissé l'interdiction de réaliser des transfusions sur l'homme sans validation de la faculté de Paris, qui était alors opposée aux pratiques du docteur Denis. C'est donc cette histoire qui a mis un terme à la transfusion de sang animal à l'homme. Mais il n'y a pas de mais. On traverse les siècles et on retrouve la trace au 19e dans la revue The Lancet de référence aux premières transfusions de sang humain. En France, il faut attendre 1818 pour que les premiers dons avec du sang humain soient réalisés. Mais le manque de connaissances de l'époque ne permet pas d'obtenir des résultats très probants. Au début du 20e, Karl Landsteiner fait faire une belle avancée à la transfusion grâce à cette découverte des groupes sanguins A, B, O. La transfusion se développe lors de la Première Guerre mondiale par le biais des médecins militaires. Et en France, la première a lieu à Biarritz le 16 octobre 1914. Elle connaît ensuite quelques avancées significatives pendant l'entre-deux-guerres, telles que la séparation de la phase de recueil de sang chez les donneurs, une meilleure maîtrise du volume de sang transfusé, le fractionnement du plasma par Edwin Cohn, etc. Il y a aussi la conservation prolongée du sang, ce qui me fait dire que d'ailleurs les poches actuellement sont conservées pendant 42 jours. En 1949, c'est Arnaud Tsank qui crée le Centre National de Transfusion Sanguine et organise la première collecte de sang. Et c'est également en 1949 que la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole est créée sous le nom de Fédération Nationale des Donneurs de Sang de France et d'Outre-mer. Le don anonyme, bénévole et gratuit est né. Alors à cette époque, un concept formidable voit le jour. En effet, la première loi sur la transfusion sanguine votée en 1952 indique que le sang et ses dérivés ne sont pas des médicaments, ne constituent pas un bien du commerce comme issu du sang humain. Des nouvelles avancées technologiques voient le jour en 1963 avec les concentrés de plaquettes et en 1973 avec la séparation des cellules par aphérèse, qui va être utile en transfusion mais qui aura également une application énorme par la suite lorsqu'il sera question de greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et pour finir, juste un mot sur l'établissement français du sang, donc le EFS, tel que nous le connaissons actuellement. Il est créé le 1er janvier 2000. Voilà, c'était quelques infos d'histoire. Merci Christophe. Le temps du don, le temps de l'invité. Eh oui, alors cette semaine, dans le temps du don, nous recevons un bénévole de la grande famille des donneurs de sang. Notre invité est président de l'Union départementale fédérée pour le don de sang bénévole de Meurthe-et-Moselle. Bon, c'est un peu long, la prochaine fois je dirai UD. Hein. Bonjour Claude Guillemot. Bonjour à toutes et à tous. Alors Claude Guillemot, je vous propose dans un premier temps de faire connaissance, de vous présenter à nos auditeurs et de nous parler de votre parcours de bénévole pour le don de sang. Et puis dans un second temps, on abordera ensemble le rôle de l'Union départementale. D'accord. Alors qui êtes-vous Claude Guillemot ? Eh bien, je suis Claude Guillemot, donc. Je suis bénévole dans le don du sang depuis un certain temps, puisque ça va bientôt faire 15 ans. Je suis dans un milieu donneur de sang, puisque mon papa déjà donnait son sang. Ok, de l'héritage, donc. J'ai été aussi confronté à un problème santé enfant, donc ce qui m'a renforcé dans le mouvement. Okay. C'est pour ça aussi que je suis devenu aussi donneur de sang. Donc j'ai donné mon sang la première fois à l'armée, comme beaucoup de gens, et j'ai commencé à donner mon sang réellement en 1981. Ok, bon l'armée c'est vrai que là on n'a plus trop l'occasion de pouvoir donner mais... Oui oui, non mais tout à fait, mais bon... Certaines franges de la population qui a commencé comme ça. Exactement, et puis j'ai donné donc quand je suis rentré au BTT à l'époque, après j'ai continué, après j'ai été muté dans différentes villes de France, j'ai fait un petit tour de Nord-Est, car Nord-Est on va dire. Bon j'ai redonné mon sang quand je suis arrivé à Toul en 2001. Et puis pour des raisons de santé, je ne peux plus le donner maintenant. Ce qui n'empêche que je suis rentré quand même dans le mouvement avec la DSB de Toul, okay, l'association donneurs de sang bénévoles. Après, je suis rentré au comité départemental où je officiais comme secrétaire adjoint, après secrétaire, après vice-président et maintenant je suis président depuis un an. Ok, donc une année de présidence et pourquoi avoir accepté ce poste ? Parce que la présidente qui sortait, avait aussi pas envie de partir, mais bon, il fallait passer la main, et puis c'était l'occasion. Donc comme je travaillais beaucoup avec elle en tant que secrétaire, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je suis prêt, parce qu'on en a parlé beaucoup. Et elle m'a dit, pas de problème, donc j'ai postulé, et puis le conseil d'administration m'a élu. A élu. Voilà, un passage en douceur, alors. Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson, c'est ça. Okay. Bon, merci Claude Guillemot de vous être présenté à nos auditeurs. Alors, avant de continuer, j'ai juste une envie de vous faire jouer un petit jeu simple et de vous poser quelques questions. Le temps du don, le temps du quiz. Et les auditeurs peuvent également répondre. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on ne les entendra pas. Moi, j'aime bien jouer, mais j'aime bien gagner. Allez, première question. Vous allez voir, vous devriez vous en sortir. Savez-vous combien d'associations maillent le territoire français ? Alors, petit A, 265, petit B, 2650, petit C, 26 500. 2650. Dominique ? La 3. La 3 ? Bon, écoute, on n'est pas président pour rien, hein. C'est notre président qui a raison. 2650 associations maillent le territoire français. D'ailleurs, tu peux nous dire combien il y a d'associations sur le département ? Une quarantaine. Ok. Alors, je dis pourquoi une quarantaine ? Parce qu'un coup c'est 39, un coup c'est 41. En ce moment, c'est 40. Puisqu'on est une association qu'on va s'occuper bientôt et qu'on va essayer de relancer. Ok, alors voilà, c'était la première question. La deuxième question, allez. Combien de patients sont soignés chaque année grâce au don de sang en France ? Petit A, 1 million. Petit B, 5 millions. Petit C, 10 millions. Je vais dire 1 million. Ok. Je partage. Vous partagez le million ? Oui, tout à fait. C'est la bonne réponse. Bravo à tous les deux. Je ne doute pas que les auditeurs avaient également trouvé la bonne réponse. Le temps du don sur Fadjet. Allez, on va enchaîner sur la suite. Alors, il y a quelques instants, nous avons fait votre connaissance, Claude Guillemot. Maintenant, je souhaiterais que vous nous disiez quel est le rôle, concrètement, de l'Union départementale que vous présidez. En fait, il y a quatre grosses missions de l'Union départementale. Un, c'est fédérer toutes les structures des associations amicales locales. Donc ça, c'est important, puisqu'on a plus de poids en étant fédéré. Être un interlocuteur aussi au niveau régional, puisqu'en tant que président... Je suis membre de droit au conseil d'administration régional. Okay. Donc là aussi, c'est important d'avoir une porte d'entrée sur la partie régionale. Être un partenaire aussi côté député, voire peut-être aussi sénateur, puisque... Institutionnel. Une partie institutionnelle. Et puis aussi être relais des missions de la fédération. Ok. Bon, ça fait déjà pas mal de boulot, là, manifestement. Oui, tout à fait. D'accord. On est occupé. On a un département un peu atypique, hein, la Meurthe-et-Moselle, oui. Avec de la longueur. Comment vous gérez la disparité géographique de ce département ? Alors, depuis que je suis arrivé en tant que président, j'ai continué ce qui avait été mis en place déjà par l'ex-présidente. J'ai renforcé aussi ce qui avait été mis en place, dans le sens où, pour répondre à votre question, donc j'ai nommé 3 vice-présidents. Mmh. Hein, donc, un vice-président partie haute de la Meurthe-et-Moselle, un vice-président côté Lunévillois, et puis un vice-président côté Toulois. Ok. Donc, ce qui me permet d'avoir des relais pour passer les informations. Pour passer les informations et voir un peu l'émission comment se relayer. Ouais. Donc en fait, hein, en résumé, on a les associations, on a vice-présidence, voilà, l'UD, après il y a le comité régional et ensuite la fédération. Donc les différentes strates qui composent le mouvement. Absolument. Très bien. Une question aussi sur, concrètement, je vais prendre un exemple. Quelqu'un vient d'être élu président ou présidente d'une association. Oui. Qu'est-ce que vous lui dites à ce nouveau président ? Comment l'UD peut l'aider à prendre en charge sa mission de président d'association ? On a vu, il y a une quarantaine d'associations sous le département. Donc je pense qu'il y a des présidents ou des présidentes qui doivent arriver. Qu'est-ce que vous leur dites à ces présidents ? Déjà, en tant que président départemental, je participe le plus possible au niveau des assemblées générales des associations. Donc je vais rencontrer en amont déjà le futur président s'il se présente et s'il est élu. Je l'invite fortement à venir au niveau du conseil d'administration départemental. Et puis on est en appui en permanence, que ça soit dit bien côté financier, trésorier, que ça soit secrétariat ou que ça soit présidence. Un petit mot aussi sur des applications qui peuvent être d'actualité concrète, là, peut-être sur des choses plan plasma. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place par l'Union départementale ? Alors au niveau départemental, oui, on relaie la campagne de plasma. Il y a du covoiturage qui se met en place. Ok. Hein, donc en tant que vice-président de Toul, je suis fier d'annoncer que j'ai fait mon premier covoiturage dans le plasma. Donc on a apporté des donneurs de plasma. C'était en septembre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. En septembre, et puis on va renouveler l'opération au mois d'octobre. Et on va essayer de donner tous les mois quelque chose comme ça. Je rebondis juste dessus, c'est génial ça. Puisque effectivement, la maison du don, c'est le seul endroit où on peut faire des dons de plasma. Donc effectivement, on ne pourra pas déplacer le personnel de l'EFS sur les différentes collectes mobiles, en tout cas pas actuellement. Actuellement, oui, tout à fait. Donc là, c'est une belle solution qui est proposée par l'Union départementale. Absolument. Et, donc là, tout le c'est cool quoi. Tout le s'écoule. Ok. D'autant plus que sur le site de la fédération, vous pouvez retrouver les coordonnées, puisque je me suis inscrit au niveau du département côté fédéral, et toute personne qui se connecte sur le site fédéral de la fédération des donneurs de sang peut avoir accès à toutes ces données. Donc on est clairement identifié. Ok, très bien. Au niveau du régional aussi, on a aussi ces pratiques-là. Bon, dans les Vosges, ça existe depuis quelques années déjà. Mm-hmm. Et ça marche, hein, puisque dans toutes les collectes, il suffit de demander aux gens s'ils veulent aller lui donner du plasma. Ah bah oui, je me souviens, je pouvais donner avant, maintenant je peux plus. Bah écoutez, on a la solution, on vous emmène, on vous ramène. Alors, je sais pas si ça marche, mais en tout cas, ça roule, quoi. Ah bah ça roule, oui. C'est le blablacar du plasma. Ok. C'est le blablacar du plasma, oui, tout à fait. Bah super, merci Claude pour toutes ces informations concernant l'Union départementale. Un mot de la fin ? Le mot de la fin, tout bénévole est le bienvenu. Hein. On a besoin de monde dans toutes les associations. Plus on recrute de jeunes, mieux c'est, parce qu'il y a des nouvelles idées, il y a de nouvelles façons de faire. Et puis c'est toujours intéressant d'échanger et bienvenue à tout le monde. Ok, super. Merci Claude Guillemot pour tout cet éclairage apporté sur le fonctionnement de l'Union départementale. J'ai dit que je ne dirais pas la suite, donc voilà, l'Union départementale. Merci Claude. Merci. Le temps du don, le temps de l'agenda. Dominique, quelles sont les dates des prochaines collectes ? Allez, par exemple sur l'agglomération de Nancy ? Alors Christophe, comme j'en ai parlé en début d'émission, il y a toujours des lieux atypiques. À Nancy, les 10 et 11 octobre, les grands salons de l'Hôtel de Ville accueilleront les donneurs sous les beaux plafonds signés Émile Prouvé et Émile Friand. Vraiment, pour ceux qui n'ont jamais vu ces beaux salons, c'est le moment de venir. Donc les 10 et 11 octobre, et à chaque fois, c'est toute la journée. Autour de Nancy, on peut donner également à Saint-Max le 19 octobre, à Pulnois le 20 octobre et à Frouard le 21. Enfin, à Champignol, c'est le 29 octobre. Allez, et on en parlait tout à l'heure, si on va un petit peu plus loin, par exemple vers le Pays Haut. Quand on monte, on passe par Pont-à-Mousson et le 15 octobre, toute la journée, on pourra donner son sang à l'espace Mont-Richard. Juste à côté, à Pagny-sur-Moselle, c'est le 9 octobre et plus haut encore, à Homécourt le 14 octobre et Longuillon le 21 octobre. Longuillon, alors là, on est vraiment tout au nord de la Meurthe-et-Moselle, hein, donc... Allez, on redescend dans le Lunévillois maintenant ? Alors, à Lunéville, ce sera le 7 octobre et à Dombasle le 9 octobre. À Blainville-sur-Lot, le 22 octobre. à Gerblé-Villé et à Chennevières le même jour, le 17 octobre. Et puis si on va un petit peu plus loin en montant un petit peu dans les Vosges, à Badonvillé le 23 octobre. On a un président de l'Union départementale qui est originaire du Toulois. Est-ce qu'il y a des collectes qui sont organisées par là-bas ? Alors oui, à Colombey-les-Belles le 23 octobre, alors c'est pas très loin de Toul, ou alors à Écrouvres et à Vézelise, ça c'est le même jour, c'est le 31 octobre. Et puis il y a des collectes dans les écoles, les universités, hein, n'hésitez pas à vous renseigner, et toujours à la Maison du Don, boulevard Lebeau, à Nancy, surtout si on veut donner son plasma. Et enfin, on retrouve toutes les dates sur le site de l'EFS, à dondusang.efs.santé.fr. Et puis, le plus simple, c'est de taper Don du Sang sur votre navigateur internet préféré. Merci Dominique. Le temps du don sur Fadjet. Eh oui, le temps du don, c'est déjà fini. Le temps de cette émission, vous auriez pu faire un don de sang et devenir un héros en sauvant 3 vies. On vous retrouve avec Dominique le mois prochain. Ça sera le vendredi 7 novembre à 12h30 avec un nouvel invité. Salut.